mais rien de grave, ma jolie. Ouais, chablonis, j'ai plus le temps, c'est m'holi. Des groupies à l'appel, mais faut pas t'affoler. Je remplis ma feuille OCB pour planer comme ODD. Au début, je la contrôlais azelée. Maintenant, je me sens aveuglé, trop déçu. Je suis au côté comme T-Pain. Des millions de vues et je me promène dans le bain. Baby, je suis piqué donc je la rappelle. Elle dit que je suis coté pour elle et ses têtes. Et je lui dis bye bye, bye bye, bye bye, je pense pas qu'on se verra. J'ai pas vendu la cesse pour goûter au bonheur. Alhamdoulilah, ouais, ça se passe, rebeu. Non, j'ai pas loupé la marche. Pété sur siège éjectable. J'suis étouffé par ses vices et son charme. Guadeloupe, Mexico, Dubaï. Tous ces billets me font oublier le sale. J'suis beau côté comme T-Pain. Des millions de vues et j'me promène dans le Banks. Baby, j'suis piqué donc j'la rappelle. Elle dit que j'suis coté pour elle et ses dettes. Et j'lui dis oh.